RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous. Eh bien, David Elia, bonjour. Bonjour. Vous allez donc venir tous les mardis nous expliquer un peu mieux comment fonctionne la femme, cet animal étrange. Oui, et qui est la moitié de l'humanité. Et oui, et heureusement d'ailleurs, parce que s'il n'y allait plus là, l'humanité risquerait quand même de disparaître. Mais enfin, si les hommes n'étaient plus là aussi, de toute façon. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la sexualité après l'accouchement, vaste programme. Oui, parce que dans les consultations, lorsqu'une femme vient d'accoucher et qu'on la rencontre un mois, deux mois, trois mois, voire un peu plus, encore, elle nous dit souvent, écoutez, il y a un truc qui ne va pas, c'est que j'ai plus du tout envie de mon mari. Je me force, ça me fait mal, il s'en est rendu compte, je suis inquiète pour moi, je suis inquiète pour lui. Alors, à vrai dire, c'est toujours un peu stupéfiant pour le gynécologue que je suis, c'est que je me dis, mais finalement, tout ça n'est que normal. Voilà une femme qui a une fois sur deux d'épisiotomie, elle a mal, c'est plus ou moins cicatrisé, elle est extrêmement fatiguée, que ce soit le premier ou le troisième ou le cinquième, parce que ce bébé, il crie famine toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, il l'empêche de dormir, ce bébé l'inquiète, toute son attention est portée vers l'enfant, l'envie de faire l'amour, franchement, n'est pas au rendez-vous. C'est secondaire, oui. Ensuite, le corps. Ce pauvre corps, il a souvent souffert. Il a souffert parce qu'il y a 2-3 kilos peut-être en trop. Le ventre est un peu flappy. Enfin bref, c'est pas du tout dans l'air du temps d'avoir envie de faire l'amour avec son compagnon. Et si en plus vous allaitez, ce qui arrive tout de même à peu près 40 ou 50% des femmes, c'est sec. C'est sec parce qu'en bas, dans le vagin, il n'y a pas de lubrification parce que les ovaires ne se sont pas remis au boulot, parce qu'il y a une hormone qui s'appelle la prolactine qui empêche que ça se remette au travail. Et donc, comme il n'y a pas d'hormone, le vagin, il répond pas. Alors, vous mélangez un peu tout ça, Brigitte, et puis vous obtenez, dites donc, docteur, la libido, ça va pas du tout. Moi, est-ce qu'il y a un médicament? Et puis, qu'est-ce que je dis à mon mari ou mon conjoint? Alors, à partir de quand la libido revient ou à partir de quand il faut s'inquiéter si on est toujours dans cette phase de non-désir? Il est rare, tout arrive dans la vie, il est rare que la libido ne revienne pas. Si elle était bien avant, il est rare, sauf événement de vie imprévisible, qu'elle ne revienne pas. Mais il va falloir attendre que l'allaitement s'arrête, que les hormones reviennent, donc que les règles reviennent. Les règles qui font que ça va lubrifier de nouveau, mais ça veut dire que le système ovarien s'est remis en route. Que cet enfant, on l'ait intégré dans le paysage, dans le foyer, qu'il soit là, qu'il ait pris sa place, que l'on se fasse moins de soucis, qu'on dorme mieux. Alors ça va prendre, selon les femmes, entre quelques semaines, quelques mois. Je crois que l'un et l'autre, aussi bien le papa que la maman, doivent savoir qu'on est dans une phase de la vie du couple où la sexualité, si ça marche, tant mieux. Formidable, parce qu'il y en a pour lesquels ça marche très très bien, dès la rentrée de la maternité, voire même à la maternité. Mais si ça ne marche pas, il ne faut pas s'en faire, et savoir qu'il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de stratégie particulière, il faut attendre que la vie reprenne le dessus, et que ça continue, et qu'on se retrouve, si on a une grand-mère ou un grand-père gentil, qui va prendre le bébé, qu'on se retrouve en week-end tous les deux, ça va être beaucoup mieux. Donc je crois qu'il faut vraiment dire ça au couple, parce qu'ils sont très inquiets, souvent. Et quelque chose de cassé, docteur, disent parfois les femmes, comme si elles se disent, mais si j'ai eu un bébé, est-ce que ça va mettre ma sexualité? Est-ce qu'elle est foutue? Est-ce que c'est foutu? Est-ce que c'est irréversible? Est-ce que c'est cassé à l'intérieur, comme elles disent souvent? Non, ça n'est pas cassé. Il faut prendre le temps et comprendre son corps, en accepter les règles. C'est une parenthèse, en fait. Voilà. Il faudrait peut-être leur expliquer avant, leur dire, leur annoncer ça avant. Et surtout, les pères sont souvent très impatients. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les pères? La mettre sous le bras? Comprendre qu'il y a eu un gros boulot de fait, il y a eu un bébé qui vient d'arriver, que c'était un travail, c'est comme ça qu'on l'appelle en médecine, le travail de le sortir, ce bébé, qu'il est passé par l'endroit où on fait l'amour, c'est-à-dire le vagin, que ça a écarté tout, que ça a tout bouleversé sur son passage, tel Attila sur son cheval. Comprendre, et puis si on aime un peu, comprendre, attendre, être patient, et surtout pas s'inquiéter, parce qu'ils s'inquiètent, les messieurs aussi, parfois. Ils s'inquiètent beaucoup. Ils se disent, elle est cassée alors, elle ne marchera plus jamais, entre guillemets. Ils s'inquiètent et ils sont impatients, il faut calmer l'impatience. Bien, merci David Elia, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve dans un instant.